Le fil rouge par Henri Barbus. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres, continua l'immonde personnage, j'avais décidé de tuer cette vieille Richarde. Il considéra de ses yeux bariolés de lignes vineuses ses énormes mains crochues et grises posées devant lui comme deux crabes. Puis, notre ignoble interlocuteur reprit. Son nom, je ne vous le dis pas, non point par peur, puisqu'aujourd'hui le délai de la prescription est largement passé, mais parce que je ne me le rappelle pas. En tout cas, qu'elle se nommât la mère chose ou madame machine, il n'en était pas moins vrai qu'elle était aussi riche que j'étais pauvre, qu'elle économisait d'autant plus que je m'endettais dans le village, qu'elle était aussi regardante sur sa nourriture que je l'étais peu sur ma boisson. Bref, qu'il y avait, par un fait exprès, entre cette rentière abîmée de vieillesse et le jeune ouvrier sans travail que j'étais, trop de différence pour que ça pût durer. Il me fallut donc la supprimer. Elle habitait la grande maison, qui subsiste encore telle qu'elle, en face la malheureuse cabane de pierre où je me tairais avant l'affaire en question. Tous les jours, elle se couchait à 7 heures, sauf en plein été, où elle veillait jusqu'à 7h30. Elle se levait immanquablement à 4 heures, tout d'un coup, comme un joujou, et commençait à courir à travers sa maison, dans le noir, dans le gris, ou dans le rose sale, selon la saison. Son magot était enfoncé dans un sabot pourri, mêlé aux autres sabots et débris, qui encombraient l'office sans fenêtre, faisant suite à sa chambre. Un hasard inouï, un miracle du ciel, m'avait fait connaître la chose du sabot. Dès lors, il était naturel qu'il me poussât l'idée de prendre ce butin, dussé-je, en passant, immobiliser définitivement la nuisible vieille. Cette idée, si simple, si humaine, et que vous auriez tous eu à ma place, je restais longtemps, je le confesse, avant de la réaliser. J'avais beau faire mon mea culpa, chaque fois que je voyais passer la mégère avec ses cheveux jaunes, sa figure jaunâtre et sa jambe traînante accrochée en arrière de l'autre, si usée, si maigre, qu'on ne savait par quelle chance ses ossements pouvaient encore demeurer ajustés ensemble, je n'agissais pas. Pourtant, un après-midi où Pourcin m'avait du seuil de sa boutique crié qu'il me ferait saisir pour notre éternelle histoire de 33 francs 50, et où je m'en fus bêché le carré d'asperges de Blanchisseau, il s'appelait comme ça, une inquiétude m'assaillit. Si la vieille allait périr de vieillesse et ses héritiers voler en public le magot? Ou bien si un autre me prenait mon idée et, plus avisé que moi, faisait ce que j'aurais dû faire? Un petit tremblement me caressa l'échine. Quoique seul, je grognais tout haut et je résolus que ce serait pour le soir. À 10 heures, alors qu'il faisait noir comme dans du boudin, je me levai. Je revêtis 2 vestes l'une sur l'autre, j'enfilai 2 pantalons, fourrai dans ma poche mon couteau et ma pipe, pris ma lampe sous mon bras. Puis j'ouvris la porte et traversai la route avec force précaution, car il faisait noir, je crois vous l'avoir dit déjà, à ne pas pouvoir se ficher le doigt dans l'œil. J'atteignis la maison ennemie. Mon pied heurta le seuil, ma patte toucha le bois de la porte, puis tâtonna, voltigeant comme une chauve-souris jusqu'au loquet. Le verrou était fermé et résistait de toute sa force, mais je savais qu'en pesant sur le battant, on obtenait une ligne d'entrebâillement. Par cette mince fente, la pointe d'un couteau trouvait la place de pénétrer et de mordre la gâche. Grâce à ce moyen, j'ouvris la porte de la maison où l'odieuse vieille gardait l'argent. Je cassai même, dans ce travail, la pointe de mon couteau, laquelle tomba, avec un petit cri sec, sur le carrelage. Je ne m'attardai pas à ramasser ce bout d'acier, cachai le couteau dans ma poche, je fermai la porte, essayant, de toute la puissance de mes muscles, d'agir doucement, faiblement, de ne pas faire plus de bruit que n'en faisait l'horloge avec sa respiration de morte. Tendant la main en avant, à petits pas, tel un spectre d'aveugle, je m'avançai vers la cheminée. Je savais que les allumettes de l'infernale vieille étaient dessus, dans une boîte ronde en fer blanc. Je les saisis avec un frisson, comme si je palpais déjà le commencement du trésor tapis là, et défendu par le corps de la créature. J'allumai la lampe, puis je glissai la boîte de fer blanc qui me gênait les mains dans ma poche. Je me dirigeai vers la porte de la chambre à coucher, non sans un heurt, qui fit tomber ma pipe de ma poche trop bourrée. J'entrai dans la chambre avec la lampe et le couteau. Ce fut bref, 2 minutes peut-être. Ensuite je gagnai le fameux débarras auquel je pensais depuis des mois, ainsi que d'autres pensent au paradis. Quand, du pauvre sale sabot, disséminé parmi l'amas de vieilleries qui se hérissait là, je retirai la liasse de billets. je me fis l'effet d'un magicien accomplissant un prodige et ressuscitant quelque chose. Je ne perdis pas mon temps à m'émerveiller. Je retraversai la chambre, je regarde le lit, je vis. Bref, je fus rassuré. Je passai ma main sur mon front moite. Ce mouvement fit tomber ma casquette presque au pied du lit. En la suivant des yeux, je vis, gisant à terre, mon couteau. Je l'avais laissé tomber par mégarde tout à l'heure, si bien qu'il était échoué sous le parquet au milieu de ce qui avait coulé. Vite, je tournai le dos, abandonnai tout ça, gagnai la pièce d'entrée, longeai les murs, la cheminée, et la cendre épaisse étouffa le bruit de mes pas, bien que j'eusse mes gros souliers ferrés, si gros qu'on s'en moquait dans le village. La porte. Il faisait tellement sombre que je me cognai au mur, près du seuil, et cassai mon verre de lampe. Le bruit strident du verre qui dégringolait me fit tressauter, ce qui m'impressionna de façon telle qu'un instant après, par un geste nerveux, je lançai ma lampe elle-même sur la route enfin atteinte. Quelques pas. Ma maison. Je poussai la porte jamais fermée du reste, et sans même prendre la peine de la tirer complètement, je me déshabillai. Avec une hâte fébrile, je jetai dans un coin mes souliers, mon pantalon, ma veste. Et je mis même un soin bien compréhensible à ne pas toucher une tache que cette veste avait aux côtés. Cela fait, j'allai, pieds nus, enterrer les fins billets tendres dans le carré d'asperges de Blanchisseau. Il n'y avait que le pré d'herbe haute à traverser. Une heure après, je ronflais, bien que par ma porte restée ouverte, tout l'espace frêle me souffla dessus. Et alors, mes bons, mes excellents messieurs, conclut l'infâme brute, tout se passa comme je l'avais voulu. La justice vint sous forme d'une personne toute noire de mise. Et cet homme, habillé en veuf, eut un petit éclair dans l'œil lorsqu'il ramassa sur les lieux le couteau et qu'on lui affirma qu'il était à moi. Il eut un tressaillement devant la casquette, dont l'identité lui fut de même révélée par l'assistance. Il eut un haut-le-corps quand il apprit que la pipe était également la mienne. Mais il fronça les sourcils lorsqu'il apprit l'origine des empreintes laissées sur la cendre. C'est bien ses souliers carrés. Il haussa les épaules, énervé, lorsqu'on découvrit sur la route, entre nos deux maisons, le cadavre de ma lampe, et poussa une exclamation rageuse lorsqu'il constata que la porte de ma maison était restée grande ouverte toute la nuit. Il changea à ce moment, orna d'un sourire narquois sa figure aux lignes raides comme une boiserie. Il hocha la tête d'un air entendu lorsqu'on tira de derrière mon lit mes vêtements tachés de sang et murmura « Parbleu !» Quand la boîte ronde roula par terre, il fit « Je l'aurais parié !» Dès les premiers mots que je balbutiais, la figure tirée des froids comme par des ficelles, pour lui raconter qu'il m'avait semblé rêver que des gens étaient entrés cette nuit dans ma chambre, il me regarda avec toute la bonté dont était capable sa laideur, et me dit « Je le savais, mon ami. » Bref, j'avais accumulé tant de preuves manifestes contre moi que je m'étais innocenté. Qui veut trop prouver, ne prouve rien. Il faut savoir dans la vie se servir des proverbes qui, au fond, sont très bien faits. Une petite imprudence m'aurait désigné comme celui qui avait fait la chose. 10 imprudences énormes me désignait clairement entre tous comme celui qui ne l'avait pas faite. À force de me noircir, je me changeais en une malheureuse victime de grossières intrigues, cousues de fil rouge, comme disait l'homme en deuil. Voilà mon moyen. Neuf ou pas neuf, il est bon. Je le cède aux gens d'imagination que tente l'aventure ou à ceux qui se contentent d'échafauder leur machination dans les bouquins et de livrer leurs bonnes idées au commerce. C'était Le Fil Rouge par Henri Barbusse.